Thierry de Mercastel, Frida Kahlo. Œuvre publiée sous licence en lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Frida Kahlo est née d'origine juive et mexicaine en 1907 dans la banlieue de Mexico, Coyoacán, dans la même maison de stuc bleu où elle mourut 47 ans plus tard. Elle était exceptionnellement frappante. Ses longs cheveux noirs et ses sourcils, ailes d'oiseau, soulignant ses yeux noirs magnétiques, reflétant sa nature dynamique et aventureuse. En 1925, à l'âge de 18 ans, elle a eu un accident du bus et a été blessée à la colonne vertébrale, au bassin et aux pieds. Blessures qui l'ont conduite à de nombreux séjours à l'hôpital, les opérations et finalement la mort. À bien des égards, son art est une chronique de sa douleur personnelle et sa force face à des problèmes médicaux sans fin. Mais son talent et son esprit sont devenus la source de sa carrière. Frida Kahlo. Frida, est-il plus rouge que le rouge, un sang éventré au couloir des heures? Est-il un noir plus noir encore dans tes rêves échoués au berceau de ton enfant, Diego? Frida, où pleurent les promesses? Quelle couleur les pare en de vastes regrets? Est-il en ton sommeil égoïste cette aube convenue, cette couleur inconnue, qui, sur tes pas légers, danse voilant tes yeux? Frida, vois-tu le gris de tes cendres, où ce bleu solitaire et profond, maquillé d'insolites visages? Regarde, le ciel est toujours pareil, tout est nuage, et jamais tu ne réponds. Ici se termine Frida Kahlo de Thierry de Mercastel. Illustration musicale du site museopen.org.